Un bruit de porte la fit tressaillir. C'était Julien. Il demanda: Eh bien, tu n'es pas trop fatiguée? Elle balbutia: Non, heureuse de n'être plus seule. À présent, va te reposer, dit-il. Elle embrassa lentement sa mère d'un baiser lent, douloureux et navré. Puis elle rentra dans sa chambre. La journée s'écoula dans ces tristes occupations que réclame un mort. Le baron arriva vers le soir. Il pleura beaucoup. L'enterrement eut lieu le lendemain. Après qu'elle eut, pour la dernière fois, appuyé ses lèvres sur le front glacé, qu'elle eut fait la dernière toilette et vu clouer le corps dans le cercueil, Jeanne se retira. Les invités allaient venir. Gilberte arriva la première et se jeta en sanglotant sur le cœur de son amie. On voyait par la fenêtre les voitures tourner à la grille s'en venant au trot et des voix résonner dans le grand vestibule. Des femmes en noir entraient peu à peu dans la chambre, des femmes que Jeanne ne connaissait point. La marquise de Coutelier et la vicomtesse de Briseville l'embrassèrent. Elle s'aperçut tout à coup que tante Lison se glissait derrière elle, et elle l'étreignit avec tendresse, ce qui fit presque défaillir la vieille fille. Julien entra, en grand noir, élégant, affairé, satisfait de cette affluence. Il parla bas à sa femme pour un conseil qu'il demandait. Il ajouta, d'un ton confidentiel, « Toute la noblesse est venue. Ce sera très bien. » Et il repartit en saluant gravement les dames. Tante Lison et la comtesse Gilberte restèrent seules auprès de Jeanne pendant que s'accomplissait la cérémonie funèbre. La comtesse l'embrassait sans cesse en répétant « Ma pauvre chérie, ma pauvre chérie !» Quand le comte de Fourville revint chercher sa femme, il pleurait lui-même, comme s'il avait perdu sa propre mère.